Le manège, bonjour. Le manège qui est à vous et qui est pour vous. Avec nous, donc, de 14 à 16 heures, avec eux à ma gauche et à ma droite, personne. Mais moi, je suis heureuse d'être là et d'avoir Dominique à ma droite. Et Anne à la technique. Donc, ça y va pour le manège jusqu'à 4 heures. Voilà. Donc, aujourd'hui, on commence par les sorties de films. Peut-être, à moins que tu aies une information à nous communiquer ou tout au moins une opinion, je crois que tu voulais parler de... Rappeler ce triste histoire pour tout le monde, enfin, comment dire. Vous avez peut-être lu de... Boualem Sansal. De Boualem Sansal, le village de l'Allemand, qui était un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui a eu des prix, qui a été lu par beaucoup de personnes et qui a consolidé la réputation de cet écrivain algérien qui vit en Algérie, qui vit à peu près 40 bornes d'Alger, dans une région qui est toujours celle des tremblements de terre. Et c'est très extraordinaire quand on réfléchit, parce que c'est l'endroit qu'on appelle maintenant Boumerdès. Et ce lieu était l'endroit où le premier exécutif provisoire de l'Algérie s'est installé. Et donc, c'est un ensemble, un bloc de maisons d'une splendeur... disons plutôt un peu comme si vous voyez des oasis, des villes, des oasis du Sahara. Alors imaginez ça avec beaucoup moins de palmiers, bien sûr, mais en bord de mer, parce qu'évidemment, l'exécutif provisoire du GPRA, qui s'appelait GPRA à l'époque, était évidemment des villas assez prestigieuses, avec une grande installation. Et c'est là, à côté... qui s'est bâti petit à petit, mais un des plus grands bidonvilles quasiment d'Alger, parce que c'était une zone quasiment inhabitée, où amené, grâce à ce court épisode du GPRA, des bonnes routes. Et donc, je vous parle de Boumerdès parce que c'est là qu'il est installé, Boualem Sansal, dans une petite maison comme ces maisons-là, plutôt en terre battue, etc. Boualem Sansal, à qui on fait un procès absolument scandaleux. Oui, c'est pas seulement un procès, parce qu'en fait, c'est pas un procès, mais peut-être un procès aurait attiré plus de public et plus politique, d'efficacité. C'est-à-dire qu'il a été élu... avec son dernier livre, malheureusement j'ai pas le titre. Darwin quelque chose ou quelque chose Darwin, je ne me souviens plus. Et donc ça commençait avec un jury prestigieux, avec des grands noms, qui donne toujours le prix du meilleur livre en arabe écrit en français. Non, c'est très mal dit. Le meilleur livre d'un écrivain arabe, mais écrit en français. Ce qui aurait été le cas par exemple, de... Tahar Ben Jelloun. Non. Il est dans le jury, mais on ne le considère pas de cette façon, parce que, en fait, il a toujours vécu en France. Ah ouais. Et donc, c'est très différent de Kateb Yassine. Oui, Kateb Yassine, voilà. Mais malheureusement, Kateb Yassine est mort. Et... Donc, ça a commencé avec la démission de ce jury du frère Poivre d'Arvor, Olivier, qui est le directeur de France Culture. Et malheureusement, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Et il y a eu ensuite un appel de Jean-Pierre Liédot, qu'on a reçu ici à Radio Libertaire pour ses documentaires sur l'Algérie, qui a jamais été montré en Algérie, parce que justement, il mettait le doigt sur des massacres après l'indépendance dont on n'aime pas parler. Et donc, il reçoit un mail, je crois que c'est ça, hein, un simple mail qui l'informe que le prix qui lui a été attribué, qu'il ne peut pas le recevoir, et qu'il n'a plus le prix en question, parce que tout simplement... Il est allé en Israël. Il est allé en Israël à une réunion d'écrivains. Et aller en Israël est un délit tel pour un écrivain arabe, enfin arabe entre guillemets, puisqu'il est algérien, il peut être, je pense qu'il est berbère, qu'il peut. Hein. Alors qu'il allait à un festival international des écrivains, c'était pas, je veux dire, à Jérusalem, quoi. Donc c'était vraiment uniquement. Oui. Il était invité d'honneur. Une prestation littéraire, il était invité d'honneur. Ce n'était pas une démarche politique de sa part. D'ailleurs, je rappelle qu'au Festival de Berlin de cette année, il était parti, faisait partie du grand jury à Berlin. Et... Alors apparemment, c'est le Hamas qui... Le Hamas a dit que c'était... on ne pouvait pas aller à Jérusalem et défendre la cause palestinienne. Alors que Boualem Sansal n'a jamais... caché ses sympathies et a toujours parlé pour la Palestine, mais enfin, ceci dit, un écrivain, c'est pas une prise de position, voilà, partisane, oui. Un écrivain, il c'est est au-delà de... oui, il oui. est au-delà de tout ça, absolument. Et donc c'est absolument sinistre qu'un écrivain qui obtient un prix puisse être dessaisi de ce pris uniquement parce qu'il s'est rendu en Israël. Et l'initiative ne vient pas évidemment des Israéliennes, mais des Arabes. Mmh. C'est ça aussi qui est déplorable. Et si, enfin, Olivier Poivre d'Arvor appelé ses confrères et consoeurs du jury de faire de même, je ne sais pas ce qu'il en est. Parce que Tahar Benjelloun aime bien ses honneurs et oui, je ne crois pas que... Je ne pense pas qu'il, qu'il prendra une position très ferme. Qu'il saisisse cette occasion pour démissionner d'un prix prestigieux. Mmh. Mais c'est d'autant plus étonnant qu'il n'y a aucun pays arabe en guerre aujourd'hui avec Israël. Et les pays arabes entretiennent ben oui, des relations c'est... diplomatiques avec Israël. Donc cette démarche n'a pas de sens. Quoi. Oui, mais c'est toujours des démarches partisanes qui veulent créer quelque chose de fanatique, qui n'a pas lieu d'être. Mmh. Alors, le cinéma, c'est un art. C'est le 7e art. C'est le plus jeune des arts, mais... le cinéma, les livres, enfin je ne sais pas, mais la littérature, c'est une valeur tellement ancienne et tellement extraordinaire que personne ne va mettre en cause cela. Et c'est au-delà de, du réel, d'une certaine manière. Quand la littérature est de l'art, vraiment, Dostoïevski, on ne va pas l'accuser de faillir à un commandement seulement parce que il explique la complexité des sentiments d'un Raskolnikov. Enfin, c'est ahurissant de tomber dans de tels travers, ce qui veut dire que notre monde ne va pas bien. Parce pas bien que du tout. Enfin, il n'y a aucune avancée dans la pensée, dans... comment dire. Bah dans la compréhension du monde, tout simplement. On est de plus en plus dans le fantasme, ouais. Et dans la censure, ce qui va de pair. Et pourtant, il a rencontré des Palestiniens, des Israéliens. Il a pensé que, d'après ce qu'il déclare, là, j'avais... bon, je vais vous le dire comme ça. Boualem Sansal a pensé que, avec le printemps arabe, la parole serait libérée. Oui. Et qu'il avait très envie de réunir des Palestiniens, des Israéliens, des Algériens. En fait, c'est incroyable de dire que c'est un rêve. Ça devrait être tout à fait possible. Ça ne l'est pas. Parce que chacun est ancré dans ses... Oui, ça devrait être le comportement normal voilà. D'un monde qui avance et où tout le monde souhaite qu'il y ait enfin la paix au Moyen-Orient, qu'enfin les Palestiniens peuvent dire nous avons un État, si cabossé qu'il soit et si réduit qu'il soit et si troué comme un gruyère par les colonies israéliennes qu'il soit, c'est... C'est vrai. Oui, bon, alors on tu proposes là. Quelle musique pour alors ça sera pouvoir... probablement comme je ne suis pas extrêmement bien organisée, je ne peux pas vous l'assurer, si vous ne la reconnaissez pas, c'est pas elle, mais en principe ça devrait être Concha Buica. Suspense. Donc thank you. siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Te miro, mi niña bonita. Le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Dans l'émission Le Manège, nous venons d'écouter, mais là je vais donner la parole à Dominique. Concha Buica. Concha Buica. Qui chantait Mi Niña Lola, qui veut dire ma jolie Lola, ou mon enfant Lola, ou ma mignonnette Lola. D'accord, merci Dominique. Je précise que vous pouvez nous joindre au téléphone au 01 43 71 89 40 pendant les pauses musicales. Voilà, nous en avons peut-être fini, enfin, si tant est qu'on puisse en finir. On n'a pas fini, mais on appelle à nos auditeurs de suivre cette affaire de très près. Cette affaire. Et s'ils apprennent des choses qui pourraient nous être utiles, ou de faire, je ne sais pas, une pétition, des signatures, tout ce qui est possible, parce que c'est vraiment scandaleux. D'autant plus, c'est... un homme intègre qui s'est jamais enrichi en rien, qui est vraiment complètement au service de l'Algérie et de sa littérature. Et qui là, franchement, est puni pour quelque chose qui n'est pas punissable, tout, oui, tout au contraire. Ni coupable de rien, au contraire. Une tentative d'élargir l'horizon et de d'en finir avec. Avec une guerre psychologique. Oui, qui n'arrange pas la guerre réelle qui du est tout, déjà. Qui ne dessert pas la cause palestinienne. Ni la cause israélienne. Alors. Est-ce qu'on peut reprendre quelques films de la semaine dernière avant d'attaquer donc les sorties d'aujourd'hui ? Bah écoute, de la semaine dernière, moi j'avais vu Une seconde femme, mais j'ignore si c'est sorti la semaine dernière. Oui, c'est sorti la semaine dernière. C'est sorti oui. la semaine dernière, donc oui. C'est un excellent film qui est, non, qui n'est pas turc en fait, qui est autrichien. C'est Umut Dag, est d'origine kurde. Est d'origine kurde et donc il a été, non pas l'assistant, mais l'élève de mon idole. Ah oui. Michael, on dit comme ça, Haneke. Michael Haneke. Oui. Donc, bah, en fait, on ne sent pas trop d'Haneke dans son film. C'est une, je vous dis rapidement, non pas l'histoire, mais le début du film. Il s'agit d'une jeune femme, une toute jeune femme, parce qu'elle a 19 ans, qui est turque et qui vit dans la campagne profonde turque, qui est soudain. Non pas enlevée à sa famille, mais à qui on propose un mariage qu'elle accepte, enfin qu'elle est contrainte d'accepter, avec un jeune homme d'une famille qui vit à Vienne. Donc elle est expatriée à Vienne, elle est là avec toute son innocence et puis son ignorance absolue du monde viennois. Et elle apprend qu'elle n'est pas promise au jeune homme, mais au père du jeune homme. D'où le titre Une seconde femme, puisque en Turquie la polygamie n'existe évidemment pas, mais là il s'agit d'un cas particulier, c'est que c'est la femme qui l'accueille, donc la mère de famille, est très très malade, donc elle pense qu'elle va mourir, donc dans une espèce de grand sacrifice comme ça maternel, elle choisit elle-même, enfin elle a pensé elle-même trouver pour son mari une seconde épouse qui prendrait le relais de boniche gouvernante. Alors si j'ai bien compris, une seconde épouse qui serait la femme parfaite pour son fils, parce que non pas du tout, parce que son fils est homosexuel, enfin je dévoile quelque chose. D'accord. Non, elle trouve la femme parfaite pour son mari. Ah, c'est-à-dire qu'elle trouve une seconde femme quand elle sera morte. Elle pense mourir. En fait, il ne faut jurer de rien. Il y a quand même un scénario un petit peu alambiqué, mais elle pense qu'elle va mourir et elle est atteinte d'un cancer et donc elle propose cette jeune femme à son mari qui bien évidemment s'empresse d'accepter sans vulgarité ni sans concupiscence, mais ça lui semble naturel. Or cette femme ne va pas mourir, il va se passer des choses. Et ce qui m'a semblé très intéressant, c'est que le film évite le piège du manichéisme. On a dit tellement de choses sur le sort des femmes en Turquie ou dans tous les pays où la dominante musulmane, quoi. Et il s'interroge vraiment, enfin il fait un arrêt sur les rapports entre femmes et je trouve que c'est très intéressant, quoi. On a souvent tendance à les réduire, ces rapports entre femmes, l'homosexualité, la maternité, la rivalité. Et là, il y a toute une finesse d'abord d'amour, ensuite de haine. Cette relation qui s'avérera devenir passionnelle entre ces deux femmes, qui sont deux actrices remarquables. Un petit défaut, ça finit d'une façon un peu, je veux dire, une espèce de symbole à la fin du film qu'on aurait pu éviter. Une porte va peut-être s'ouvrir, on sait pas, enfin c'est lourdement symbolique, quoi. Mais sinon, c'est d'une grande beauté. La jeune fille qui joue est géniale, elle a un regard à la fois perdu et extrêmement intelligent. Tous les acteurs sont magnifiques, quoi. C'est un très beau film et c'est un premier film. Puisque Umut Dag a fait, je crois, des courts-métrages, mais n'a pas fait de long métrage avant celui-ci. Et à mon avis, c'est un film sur un thème qui n'est pas le même, mais qui concerne l'oppression des femmes, bien supérieur aux Femmes du bus 678, qui est un film égyptien, oui, dont tu es d'accord avec moi, je crois, qui est assez didactique, lui, et qui n'apporte pas grand-chose. Enfin, ceci dit, le film apporte quelque chose d'extraordinaire pour l'Égypte, déjà. Bah oui, mais... Pour nous, peut-être pas de la même manière. Et il paraît que ce film est un succès extraordinaire en Égypte, donc il est visible en Égypte. Et alors, c'est quoi le sujet ? Le sujet, c'est que en Égypte, et surtout au Caire, parce que ça se passe au Caire, qui est devenue une ville avec des millions d'habitants, alors que c'était construit pour à peu près 700 000 personnes, Et donc, il n'y a que quelques bus, et dans les bus, les gens se pressent comme des sardines les uns contre les autres. Et les hommes alors, se pressent. Alors, si on prend déjà les sentiments pudiques de cette société où, effectivement, on ne va pas se presser contre un étranger, on ne va pas... se toucher comme ça, comme c'est parfois possible dans le métro ici, parce que bon, c'est forcé, qu'un train est forcé, même si on ne l'a pas recherché, on ne va pas forcément essayer d'abuser, d'avoir des gestes indus. Et donc, le film porte sur ce harcèlement permanent dont les femmes sont objets dès qu'elles se trouvent dans l'espace public. Et c'est particulièrement tangible donc, dans les bus. Parce que forcément, c'est des bus pleins, craqués. Et donc, la femme, si, même si elle est voilée, les mecs se mettent derrière, lui mettent la main aux fesses ou sur les hanches. C'est horrible. Essaye vraiment de les comment on appelle ça les peloter, les tripoter, peloter, les toucher. Tripoter, oui. Et elles en ont marre. Et donc, elles ne savent pas comment réagir. Alors, il y a donc plusieurs façons d'harcèlement. Enfin, l'autre est harcelé en pleine rue, enfin, d'une façon absolument invraisemblable. Oui, physiquement. Physiquement et réellement, concrètement, par un type qui l'attrape alors qu'il est en voiture. Enfin, elle risque d'être... traînée par terre et d'être écrabouillée. Il ne la lâche pas... Et en plus, il est comme comme un roi qui exulte. Enfin, oui, il est très content de lui. C'est extraordinaire. Et donc, il y a des personnages. Il y a trois femmes dans le cas étudié. Une qui travaille, qui est complètement ce qu'on appellerait une femme libérée, qui ne porte pas le voile, qui a un métier et qui dit ce qu'elle pense, et qui, elle aussi, dans le travail, sans arrêt, elle n'est pas une personne à part entière. C'est vraiment... il paraît que ça se passe aussi parfois chez nous, comme ça, que... Oh, même pas à ce point-là. Mais à ce point-là, c'est absolument inimaginable. Donc trois situations sociales très précises et très bien présentées. Ouais. On ne peut pas dire ça autrement. Ah oui, tout à fait, les actrices sont formidables. Hein, ouais. Très intéressant sur la situation en Égypte, où il y a une classe moyenne qui vit assez bien et qui évite ce genre de harcèlement en ayant soi-même une voiture. Les femmes conduisent. Et ça, dans une ville où on met 5 heures pour couvrir 50 mètres. Et alors, est-ce que c'est faut faire ça pour ne pas être harcelé? Donc, la femme du peuple qui en a marre d'être harcelée dans les autobus prend des taxis. Et alors, elle fait des propositions aux chauffeurs de taxi qui, évidemment, voient que c'est une pauvre, que les malheureux 10 livres qu'elle propose, c'est ridicule comme prix. Et donc, tout le monde, enfin tous les chauffeurs de taxi, sans exception, lui proposent « Bon, eh ben, écoute, laisse-toi un peu faire et tu roulerais gratis. » Et tout est comme ça. Et donc c'est elle, finalement, la plus offensive et la plus inventive. Et elle essaye de frapper en retour. Donc ce qui donne des grandes discussions entre les trois femmes qui vont finir par se rencontrer. Parce que le même délit les réunit d'une certaine manière. Et là intervient donc le personnage d'un commissaire de police que je trouve moi-même admirable, parce que ça montre que aussi la société égyptienne au niveau des hommes est une société bien diversifiée, très... C'est pas tout un bloc, ils sont pas tous là à vouloir tripoter la terre entière. Et ce commissaire est absolument épatant parce qu'il a compris le problème, qui suggère même aux hommes qu'il arrête, qu'il finit par arrêter quand même. Dis-moi alors là, ce qu'elle t'a fait, tu as pas un peu trop voulu jouer au... Enfin, il dit pas touche pipi, mais ouais, bon, enfin, oui, quelque chose comme expression. Ça. tu n'as pas voulu trop jouer à ça, et c'est une réponse. Alors évidemment, les hommes ne veulent pas admettre qu'ils sont peut-être à l'origine de tout ça. Les femmes du bus 78, ouais, est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ceci dit, comment le tout est mené, c'est trop didactique. Il n'y a pas de sous-film sans surprise. Moi, je m'attendais à un thriller, parce qu'il y a quand même un aspect comme ça. Bon, on ne va pas tout dévoiler. Oui, parce que... Mais c'est vraiment sans surprise. Elle finit par prendre quand même un petit canif. Hein. Je pense que, par exemple, Asghar Farhadi, bon, il est iranien, je sais, mais comment il aurait eu ce scénario, comment il l'aurait traité, avec quelle finesse, est-ce qu'il aurait pu en faire avec une fin ouverte ? Oui, c'est une très bonne question. Je trouve que question, c'est pas un mauvais film, hein, Les Femmes du Bus. C'est, ça, c'est comme un film de Ken Loach, quoi. Ça dit ce que ça veut dire et pas plus. Ouais. Et donc, il s'appelle Mohamed Diab. Mais il y a une scène, à mon avis, qui sauve tout le film, parce que vu que cette femme est pauvre et qu'elle prend parfois le taxi parce qu'elle n'en peut plus de se faire emmerder dans les bus, ils n'ont pas assez d'argent pour payer les fournitures ou l'inscription scolaire des gamins enfants, à l'école. Et alors, l'école punit les gamins, les met au coin, enfin le coin, c'est particulier, enfin oui, les bras elle les isole dans une cour, ouais. Et alors, elle va les voir, la mère va donc à l'école, elle dit « Cessez de punir mes enfants ». Et lui dit « Mais vous n'avez qu'à payer et je punirai plus les enfants », ou quelque chose comme ça. Et un bon jour, elle s'amène, alors que tout le monde, les salles de classe sont occupées, tout le monde est à sa place. Elle se met dans la cour, au même endroit où ses enfants étaient habituellement punis. Elle lève les bras, elle se met comme ça contre le mur et elle reste là, elle ne bouge pas. Et c'est extraordinaire parce que... C'est vrai que c'est une belle scène. Ça, c'est vraiment pour moi la scène la plus magnifique du film. Et à ce moment-là, bon, petit à petit, toutes les classes, parce que c'est la cour de l'école où ça se passe, se rendent compte qu'il y a cette chose extraordinaire, qu'il y a une femme qui se met en position d'être punie. Et alors tout le monde est à la fenêtre, tout le monde apparemment est plein d'enthousiasme, on ne comprend pas très bien pourquoi, mais on finit par comprendre que comme ça, elle arrive à imposer qu'on cesse de punir ses enfants. Et quand il promet de dire qu'il va cesser de punir ses enfants, alors tout le monde applaudit. Ah, je trouve cette scène vraiment admirable et inoubliable parce que c'est une femme qui est simple, donc elle s'habille dans des couleurs neutres, et les couleurs sont tellement neutres qu'elle se confond un peu avec ce mur. Hein. C'est vraiment à tout point de vue réussi cinématographiquement, dans les esthétiquement, et la portée politique est formidable. Hein. C'est injustice, pourquoi punir les enfants Et donc, en attendant que le film de Yousri Nasrallah sorte, parce que lui, il a depuis toujours montré cette dichotomie entre la puissance des femmes et la réalité de la société égyptienne, donc on peut que vous recommander le film, même s'il a ses limites, comme Dominique l'a bien dit. Parce que, quand même, nous devons aussi de ne pas succomber à toutes ces illusions après ce soulèvement, cette révolution en Tunisie, en Égypte, etc. On a facilement l'idée que tout va bouger, que rien... Les élections, le résultat des élections démontre que c'est pas toujours le cas. Ce sera plus pareil dans la vie quotidienne, surtout, hein, pour ne pas parler d'élections, parce que... Mais là, en l'occurrence, une loi s'est dit à la fin, c'est écrit à la fin du film. Oui, là, il y a une victoire quand même. Une loi a été promulguée, et moi, je ne répéterai jamais assez, je pense que tu es d'accord, que seules les lois peuvent empêcher les hommes de commettre des forfaits, qu'ils soient sexuels, qu'ils soient... Oui, si on les attrape et si on les punit en conséquence. Ou la peur du gendarme, ça marche toujours. Oui. Surtout que notre société fonctionne bien. Donc, pour apparemment, faire de nous tous ces gendarmes. Non, je parlais de loi, je parlais pas de gendarme, je parlais pas de délation. Enfin, peu importe, c'est trop compliqué. Donc là, apparemment, en l'occurrence, ça a marché depuis que cette loi est promulguée. Il y a pratiquement plus, ou beaucoup moins, des cas isolés d'agression sexuelle dans les bus. Oui, parce probablement que pour la première fois, il y a eu un procès en Égypte. Voilà. Et que la femme a gagné son procès. C'est toujours de cette façon. Alors, nous parlions donc du bus, les femmes du bus 678, et nous parlions aussi de ce beau film, comme dit Dominique, une seconde femme de Dag. Oui, alors c'est un Turc kurde. C'est un Kurde de Turquie, parce que j'ai compris, mais qui est vraiment de culture autrichienne, quoi, voire allemande. Parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration de ce côté-là. Bien, nous sommes à Radio Libertaire 89.4. Vous pouvez nous appeler au studio 01 43 71 89.4 40. Et nous passons quelle musique Alors, bonne question. Quelle musique passons-nous? Eh bien, écoutez, je vous le dirai après, quand on l'aura écouté. Radio Libertaire 89.4 dans Le Manège. Nous avons écouté ce que Dominique va nous répéter. Nous avons écouté Tina Rawan, qui chantait je ne sais plus quoi. De toute façon, vous ne comprendriez pas ce que ça veut dire, donc peu importe. C'est non, pas Lula. On connaît que Tiananmen. C'est quoi ton titre là ? Mais je ne sais pas. Tiananmen. Lula ou quelque chose comme ça ? Non, non. Ça n'a pas grande importance. C'était Tina Rawan. Bien. Alors, Dominique, les films qui sortent. Oui. Alors, dans les films qui sortent, nous avons plein de films que je n'ai pas vus. Je n'en ai vu qu'un. Je ne suis pas autant que toi passionnée au point de courir les avant-premières. 80 jours, un film espagnol. Alors, il semblerait qu'il ait d'excellentes critiques. Une femme de 70 ans. Alors, tantôt elle a 60, tantôt elle a 70. Ça dépend des magazines. Donc là, en l'occurrence, dans l'Officiel des spectacles, je ne sais pas ce qu'il en est du Nouvel Obs ou du Monde, mais ils ont 60 ans, 70 ans. Donc c'est une dame de 70 ans, une femme qui rencontre son amie d'enfance qui s'appelle, devinez comment, Maïté. Peut-être à nos fidèles auditeurs, cela pourrait dire quelque Maïté, chose. Maïté, si tu nous écoutes. On t'embrasse et on te souhaite de rencontrer une amie d'enfance avec qui tu noueras une relation aussi belle que celle qui se noue dans le film. Donc cette Maïté s'occupe du malade installé dans le lit voisin qu'elle occupe elle-même. Non, que son ex-mari, l'ex-mari de sa fille, occupe lui-même. C'est très compliqué. Enfin, il s'agit d'une rencontre. Oh bah dis donc, il y a beaucoup de lits là dans ton histoire. Oui, non, c'est une rencontre dans un hôpital en fait. Donc je recommence. Oh, pire encore. Il n'y a plus de tenue morale nulle part. Une femme qui s'appelle Axun, alors que je crois qu'en espagnol on dit Arun. Elle a 70 ans, elle rencontre son amie d'enfance Maïté qui s'occupe d'un malade installé dans le lit voisin du sien et elle-même s'occupe de l'ex-mari de sa fille. Est-ce que c'est clair ? Personne ne comprend. Personne ne comprend. Alors allez voir le film, vous comprendrez peut-être mieux puisque ça c'est simplement une situation qui est posée. Il s'avère que l'une des deux, je ne sais plus laquelle, est homosexuelle, donc elles vont évoquer leur choix, leur passé et finalement se dire qu'elles ont encore plein de choses à vivre, personne n'en doutait. Mais apparemment, c'est un film qui a du succès, qui a une estime critique certaine. Mais ici, regardant mes papiers, c'était même pas prévu ce film. Bah écoute, il le sort, il s'appelle pas. 80 jours, ouais. C'est un film de Don Garagno. Et il sort aussi Bangkok Renaissance, c'est un film thaïlandais. Je ne sais pas du tout ce que c'est. De Jean-Marc Mineo. Je crois que ça doit être un polar, effectivement. Bienvenue parmi nous de Jean Becker. Moi, je n'ai pas du tout Jean Becker, mais je ne sais pas, peut-être l'as-tu vu. Peut-être l'as-tu vu à Cannes. Non. Blanche-Neige et le Chasseur, un film américain, pour changer un peu, qui sort à peu près dans 87 300 cinémas. Donc, on ne va pas continuer comme ça à lire les titres. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a deux grands films qui sortent aujourd'hui. Comme ça, on peut après naviguer, revenir en arrière où il y a eu aussi des grands films. C'est Journal de France. Ah oui. De Raymond Depardon et de Claudine Nougaret. Absolument. On a rarement parlé de Claudine Nougaret et c'est bien que son nom soit enfin là. C'est sa collaboratrice depuis 25 ans. Oui, 25. Le son de ses films. Et ça fait au moins 15-20 ans qu'elle l'accompagne, parce que ses derniers tournages, c'était avec un film qui avait très bien marché. Depardon s'est acheté comment on appelle ces voitures où tu peux tout faire, combibus. Un camion, je sais pas. C'est presque un camion. Camping-car, yes. Oui, c'est quelque chose comme un camping-car. Un camping-car mais où il peut entasser son matériel, quoi. C'est pas du tout comme les camping-cars, c'est vraiment un truc de professionnel. Mm. Et toi qui disais quelque chose à l'instant, tu es plus près de ça, parce que ça ressemble effectivement à un camion fermé, comme sont les camions sur les tournages. Mmh. Et là-dedans, donc, il a tout son matériel, différents appareils de photo, parce que c'est très récent qu'il travaille en vidéo. Il est un des rares cinéastes à avoir maintenu le 35 mm, le 16 mm, et à toujours avoir ses bons de montage pour tout ça et de tout ça. Et il a commencé à avoir ce camion avec un tournage qui était très très long et qui n'était pas, en fait, pas un tournage. Il a tourné en France, mais il a tourné pour photographier la France. On lui avait fait cette demande. Et d'ailleurs, tout le monde s'en était ému en disant « Quoi ? Un seul photographe qui va rendre compte de tout ce qu'il y a en France ? T'as pas tant ?» Et c'est très étonnant quand on connaît Depardon et son œuvre, enfin les, à la fois sur les paysans, enfin ce monde d'où il vient et qui est en train de disparaître, et par exemple à l'opposé, le désert, enfin où en est l'Afrique et vos douleurs, où il a ce plan extraordinaire, où Nelson Mandela, après cette question, il le filme 5 minutes sans dire un mot. Et ça a une force, enfin c'est extraordinaire. Et il monte de l'Afrique du Sud jusqu'au Maghreb, et il retrouve donc dans ce film Fleuve sur l'Afrique, enfin tous les films qu'il a tournés sur l'Afrique. Mais aussi, là, en l'occurrence, Journal de France, il s'agit de la France, effectivement, uniquement avec des de images la France, d'archives. Oui, et c'est même étonnant pour lui, parce qu'il est tellement dans le monde entier que... ça surprend, mais c'est peut-être pas. Peut-être qu'il fera autre chose. C'est pas la France du front, c'est pas. Ah, pas parce qu'on dit la France que c'est la France du front. Bah oui. Bah oui, c'est. Faut préciser quand même. C'est pas l'Afrique du front non plus qu'il a non, filmé. Non, non, absolument pas. En tout cas, et oui. Donc, moi, je trouve que la pièce charnière de ce film, c'est quand même ce. Ces photos qu'il avait faites sur la France. Donc c'est des photos, c'est donc quelque chose de fixe. C'est-à-dire il fixe, par exemple, une toute petite mairie, ou il fixe, oui, un café. Comme il dit, malheureusement j'ai oublié, mais le plus beau café du monde, dit-il, pour lui, est dans un petit bled pourri. Enfin, on l'a trouvé au coin d'une rue, au coin de ses voyages. Donc il a énormément navigué pour rapporter je ne sais pas combien de clichés, et les plus réussis à ses yeux, il les a exposés. Et c'est là, j'avais vu l'exposition, c'était à La Rochelle, je ne sais plus si c'était il y a un an ou 2 ans déjà. Et ça c'est incroyable quand tu vois, à la limite ça touche à ce flash que tu as si tu vas... dans la ville où Van Gogh est mort, qui est tout près de Paris, et tu vois la mairie telle qu'il a peinte, et tu vois la toile de Van Gogh à côté. Enfin, c'est un peu ça. Alors qu'il ne s'agissait que de photos. Et je trouvais ça saisissant, et c'est très étonnant, parce que Depardon et la photographie, on l'associe au noir et blanc, à une espèce de... une hiérarchie dans la photographie, donc un peu l'ancien, un peu des portraits extraordinaires. Et là, on a la couleur. Hein, Depardon est dans la couleur. Et donc, Journal de France, c'est un film formidable parce qu'il s'y ajoute, au regard du photographe et de tout ce qu'il a filmé, le regard de Claudine Nougaret, elle qui est au son, mais qui a accompagné cette voiture, j'allais dire, cette aventure en voiture, oui, et ben on sent très souvent qu'il y a aussi son regard qui entre dans la photo. Enfin, c'est peut-être que j'ai une imagination sans non, mais probablement, c'est mais probablement je crois vrai, que, c'est depuis que le temps qu'elle l'assiste. Et qu'elle le... C'est complètement visible, et donc c'est un peu moins, comment dire... Ces portraits des paysans, parfois, on se fatigue à le regarder, le vieux paysan qui grimpe lentement et douloureusement cette pente qu'il a grimpée pendant 80 ans. Et on a l'impression que, eh bien, on s'arrête au bon moment. On ne nous inflige plus toute la montée, disons. Enfin, ce qui ne rend pas moins beau ou moins profond ou moins grave la situation des paysans, mais il y a quelque chose en plus. Et c'est donc, moi je trouve ça merveilleux que le plus entre aussi dans qui a réalisé ce film. Et bien oui, c'est vraiment Depardon. Et Claudine Nougaret. Il a surtout parlé, enfin quand il est invité, on sent bien. Et Claudine Nougaret, qui est ingénieure du son. Oui. et qui un peu plus, parce que je crois qu'ils sont vraiment ensemble pour de bon, ils ont peut-être même un enfant ensemble. Enfin, ils sont très liés, en tout cas. On voit que cette collaboration, c'est la vie, leur vie, ensemble, qui entre dans le film. Et c'est peut-être ça qui le rend si précieux. C'est la complicité qu'ils ont tous les deux. Parce qu'elle a aussi trié ses photos. C'est elle qui a choisi beaucoup des photos, donc des photos fixes qui sont dans le film. Et moi, je suis sûre que c'est un plus. Un deuxième regard, c'est toujours un plus. Est-ce que c'est un film qui est fait par chapitre ou qui est en continu comme ça? Non, non, non. Il est très bien construit. Non, il est construit en continu, chronologique. Mais il n'y a pas de chapitre. Parce qu'on y voit ses débuts derrière la caméra, je me suis laissé dire. Et effectivement, finalement, on voit quand même quelques reportages autour du monde, non? On voit tout ça parce que... Oui, tout a été... Ouais. Voilà, donc le second film dont on pourrait parler, c'est La Petite Venise. À moins que t'en aies pas fini avec Depardon. Depardon, non, j'ai pas fini. Ah, excuse-moi. Juste en disant que c'est vrai que c'est comme un double portrait, puisque c'est l'artiste par lui-même, et c'est l'artiste regardé par une autre. Et c'est l'artiste qui nous a déjà transmis tellement d'images qu'on associe à lui, que c'est aussi notre portrait de Depardon qui en est modifié et enrichi. Voilà. Ah oui, c'était important donc, ce que tu voulais dire. Ma dernière remarque sur Mais ce beau elle film. Est intéressante, ta remarque. Ouais. Si notre regard sur Depardon est non pas changé, mais enrichi par le film. Je crois d'ailleurs il sort dans plein de cinémas. Oui, il sort vraiment bon dans plein de cinémas, donc vous n'avez aucun problème de le voir. Alors, donc, de nouveau, peut-être... Un peu de musique. Un rappel que nous sommes à Radio Libertaire 89.4 et que nous sommes... Que vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Oui, ce qui est très original. De préférence, durant les pauses musicales. D'ailleurs, pas seulement de préférence, mais seulement pendant les pauses musicales. Oui. Merci d'avance. Sinon, on a du sinon, des problèmes. Sinon, on s'en sort pas. Oui, pour assurer. Alors, donc, là, la musique, ça va être pareil. On va le dire après avoir entendu. Merci. Radio Libertaire 89.4, dans Le Manège, nous venons d'écouter la valse triste de Sibelius. Oui, et c'est, ça me rappelle chaque fois que j'entends cette valse sublime, parce que vraiment c'est le seul adjectif qui convienne. Je pense évidemment à Clarice Lispector, cette femme à l'écriture sublime, qui adorait cette valse, et quand elle était un peu triste, elle disait « Voilà, je mets ma robe bleue et je vais écouter la valse triste Sibelius. » Sans doute, ça donnait un sens à sa tristesse, parce que c'est pas une musique très marrante. Non, non. Mais il n'y a aucune raison d'être triste, puisqu'il y a des très beaux films qui sortent. Il faut encore aller les voir et leur faire un triomphe, alors que, évidemment, Depardon, je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour être réellement défendu. Je ne crois pas, oui, dans plein tout de cinéma. Tout le monde le défend. Puis tant mieux. On parle partout et tant mieux, parce que c'est quand même... c'est un phénomène, parce qu'il a fait... Il a fait ce film sur le président, comment il s'appelait, sur ce président de la République qui, après, a eu le culot d'interdire le film uniquement parce que je ne supportais pas qu'il parlait mal. Ça m'échappe. Mitterrand, Giscard. Giscard. Donc, il avait fait un film admirable en accompagnant une campagne de Giscard, et le film a été interdit pendant des années, en tous les cas pendant les années où Giscard était au pouvoir, parce que Giscard supportait pas que, comme ça, oralement, il avait des écarts de vocabulaire qui ne correspondaient pas à la tenue de ses discours. C'était une époque aussi, peut-être. Ouais. Et ça tient aussi à l'époque, parce que... Et ce qui est très drôle, puisqu'on jase beaucoup sur le portrait que... Ah oui, je trouve très laid ce portrait, vraiment. De François Hollande, c'est lui qui a été chargé de photographier de façon officielle. Et donc il a rappelé à cette occasion que le portrait de Giscard, il était hors de question qu'il le fasse, lui, Depardon, parce que Giscard avait donc pas trop aimé ce qu'il avait vu dans ce film. Donc, mais Giscard lui avait peut-être pas demandé non plus de lui faire un portrait. Ah si, si, si, ah, bon, Giscard avait demandé, en tous les cas, il lui avait demandé conseil, parce que non, il voulait pas de Depardon comme photographe de son portrait, mais il lui a demandé conseil, et c'est Depardon qui lui a conseillé donc l'Artigue, qui était pas très connu à l'époque, et qui a fait ce portrait étonnant, où la tête se dégage sur un fond blanc et où il y a les couleurs du drapeau à côté, ce qui était graphiquement une innovation extraordinaire. Ouais. Mais je me suis demandé si ce portrait de François Hollande, qui a justement été fait par Depardon et que tout le monde trouve à peu près unanimement raté, il n'y a pas une espèce de volonté hyper réaliste dans ce tableau, et même une espèce de... Enfin, ce tableau, cette photo, pardon. Une sorte de dérision gentille, quoi. Parce que franchement... Hollande a les bras ballants, on se demande ce qu'il a envie de saisir, c'est assez catastrophique. Bon, on n'est pas là pour parler photos, oui, ni François Hollande. C'est toi qui le vois comme ça, mais moi je ne vois pas cette photo comme ça. Mais bon, à chacun son regard sur les hommes et les choses. Voilà. Bon, alors, donc je voulais parler de La Petite Venise. C'est un film qui sort aujourd'hui et... quand même, je suis assez organisée pour avoir retrouvé ce sac. Ah, alors, Aïko est en train de nous présenter un très beau sac, admirez-le à travers le micro. Io sono lì, parce que ça, c'est le vrai titre de La Petite Venise, de ce film qui s'appelle ici La Petite Venise. Io sono lì. Et peut-être on trouve encore sur le net, sous Io sono lì en un seul mot, des choses, parce que ce film était donc à Venise il y a maintenant, ça fait un an, et formidable idée, Andrea Segre, qui est le réalisateur, qui est plutôt un réalisateur italien connu pour ses documentaires, qui est donc quelqu'un qui cherche en profondeur et qui est vraiment italien, c'est-à-dire il tourne en Italie, il réfléchit sur les problèmes qui se posent à cette Italie qui à la fois accueille des étrangers et ne veut pas les accueillir vraiment. Et donc, il a demandé à Zhao Tao, la prononciation, je ne garantis rien. Zhao Tao. Zhao Tao, qui est la star des films de Ji Zhang. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Still Life, c'est elle qui joue le rôle principal. Elle est dans 24 Cities, ce film étonnant sur... la destruction, enfin la destruction et la fin d'un complexe sidérurgique en Chine ouais, qui ouais, est transformé ouais. en appartement de luxe. Ouais, ouais, ouais, et bon elle film. Arrive, l'entrée dans le film, c'est elle arrive dans une Volkswagen jaune citron. Comme toi. Et oui, bon, faut pas dire ça quand même à l'antenne. Et donc. Zhao Tao, c'est quelqu'un de très très important dans les films de Ji Zhang. Et je crois qu'ils étaient très longtemps aussi ensemble, enfin un vrai couple. Et elle lui a gardé amitié et soutien, puisqu'elle a produit son film sur une couturière chinoise où tout le monde était scandalisé que Ji Zhang, qui est un cinéaste profond sur la Chine profonde, qui posait problème politique, qui a son cœur avec le petit peuple de la Chine et qui s'émeut du sort fait aux gens qui vivaient là où il y a maintenant le grand barrage. Et que celui-là s'occupe donc d'une couturière. Alors là, c'était le... Et c'est un film absolument magnifique parce que c'est pas n'importe quelle couturière, c'est justement une femme qui a réfléchi sur comment la traditionnelle tenue de l'ouvrier chinois peut être à la base d'un vêtement fonctionnel et beau, et donc élaboré par une styliste avec des tissus modernes, mais toujours tissés artisanalement, etc. etc. Et cette femme, donc styliste, qui est exposée à Paris, qui n'est absolument pas une inconnue, lui a permis de montrer en parallèle tout ce monde des petites mains. Qui ne sont pas des petites mains qui font des merveilles de leurs doigts comme ici pour les grands couturiers, mais qui sont les petites abeilles de l'industrie textile chinoise, c'est-à-dire qu'ils montrent autant d'ouvrières qui à la chaîne font toute la journée leur couture au kilomètre, et ce choix de construire à partir du savoir-faire et de ce génie populaire quelque chose qui unit ces deux mondes a priori antagoniques. Donc c'est toute une histoire. Et Zhao Tao, elle est dans tous ses films. Et pour ce film-là sur la couturière, elle l'a produit. C'est-à-dire, c'est vraiment formidable, cette petite bonne femme qui fait peut-être 1m50 et qui a... Donc, eu cette évolution, c'est aussi une conception de l'amour et du couple qui me plaît beaucoup, à savoir que les deux ont travaillé ensemble et ils ont su transformer ça en quelque chose de puissant au niveau de la création. Donc, cette Zhao Tao, pour revenir à nos oignons. Elle joue dans La Petite Venise. Elle a le rôle principal de la petite chinoise égarée à Chioca, qui est donc ce qu'on appelle La Petite Venise, et cette ville qui est à l'autre bout, donc qui est sur au la terre Venise, ferme. Ouais. Si Venise est flottant, La Petite Venise ne l'est plus puisque c'est déjà la terre ferme. Mais il y a autant de canaux, de palais, de merveilles à tous les coins de rue comme à Venise. Seulement, c'est un peu compliqué pour y aller. Il faut prendre un pack, un bus, puis de nouveau traverser avec un bateau. mais ça vaut le coup, c'est la Tchoka. Il y a un autre film qui a été tourné à Tchoka, c'est le Tanner. Le Tanner avec un Bruno Ganz qui s'égare dans les. Et qui joue aussi, qui se passe aussi à Tchoka. Donc, Zhao Tao est une petite chinoise qui arrive dans ce Tchoka, mais plutôt dans un quartier de Tchoka où il y a beaucoup d'autres immigrés chinois, d'origine chinoise. Et elle arrive à avoir donc un job comme serveuse dans un bistrot. Il faut ajouter qu'elle est plus ou moins victime de passeurs, enfin d'une espèce d'économie parallèle. Ah oui, évidemment. Donc pour avoir, pour être arrivée jusque là, pour avoir traversé tout ça, elle a évidemment fait des dettes et elle doit rembourser une somme. Donc elle est sommée d'accepter n'importe quel travail et de travailler là. Et elle est séparée de son fils. Et elle veut évidemment, quand elle aura tout payé, récupérer et faire venir son fils. Mmh. Donc c'est une histoire assez ordinaire de la migration ordinaire aujourd'hui. Mais elle rencontre donc un pêcheur qui est pour les autres un vieux. Enfin, il est un peu âgé, donc il pourrait être son père. Mais n'empêche qu'entre les deux s'installe donc une sorte d'amitié d'abord très forte, et puis qui devient petit à petit donc un attachement, des attachements qui, enfin un attachement qui se tisse autour de la poésie aussi. Je crois que c'est assez important. Oui, parce que chacun lui apprend un peu l'italien. Et il écrit des poèmes lui-même. Il écrit des poèmes qui sont un peu légers, mais bon, il écrit des poèmes et elle-même lui parle d'un poète chinois qui on rend hommage en mettant sur l'eau des feuilles, des petites fleurs de papier avec une lumière. Oui, et oui. Apparemment, ça lui plaît beaucoup, Bépi, cette idée. Donc, effectivement, comme tu dis, Donc, d'abord une amitié, puis un échange extraordinaire. Une belle relation. Qui est plutôt culturelle, d'abord. Et qui porte sur le langage, qui porte sur la poésie. Et évidemment, la communauté chinoise voit ça d'un très mauvais œil. Les Italiens voient ça d'un très mauvais œil, puisqu'ils sont remplis à ras-bord de préjugés par rapport à la Chine. Ils croient que cette femme va escroquer Pépi, alors que... Ils pensent que les Chinois envoient des jeunes et jolies Chinoises en Italie pour épouser les vieux messieurs et piquer leur fric. Enfin, c'est aussi brut de dégrossir que ça. Oui, Dominique, j'aurais jamais osé dire c'est ce qui se dit dans le film. C'est exactement ça. Donc ils sont très, très, très méfiants envers cette malheureuse jeune femme qui n'a aucune intention de cet ordre, bien évidemment, qui veut juste retrouver son fils. Enfin, c'est une préoccupation. Et ce qui est absolument désastreux, c'est que finalement, c'est ce qui les entoure qui va rendre leur histoire impossible. Et à cet égard, je trouve que le film pêche un petit peu de ce côté-là, puisqu'on a... On n'assiste pas assez longtemps à cette relation pour qu'on puisse apprécier, dans le sens jugé, la fin du film, qui est extrêmement triste. L'émotion manque, puisque là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais alors la relation n'a pas été assez montrée, à mon avis. Ce qui est dit, tous les deux, on passe un petit peu, ils échangent quelques phrases et ça suffit. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas pu suivre après. Je me suis dit, bon, ils se sont croisés, ils se séparent et voilà, quoi. Alors que je pense que le propos du cinéaste peut-être péché de ce côté-là. Il aurait fallu approfondir cette relation, peut-être mettre plus de dialogue, plus de rencontres, plus de... Là, c'est trop fugace pour qu'on puisse penser que l'attachement est si fort. Peut-être j'ai trop d'imagination, mais... Ah, peut-être moi, j'en ai pas assez. Hein, ça m'a pas manqué. J'ai imaginé plein de choses et j'étais ravie de... Enfin, je trouve surtout cette idée géniale de réunir ces deux-là. Parce que l'autre est d'ailleurs dans la vie, je crois, aussi un peu poète, cet homme qui s'appellera de Cherbedjia, enfin qui est plutôt... C'est pas un italo-italien, je crois que dans le film on dit qu'il est d'origine slave, mais... Oui. En tout cas, il est très beau. J'ai l'impression qu'il vient même du cinéma c'est pas lui qui joue cet acteur dans un film, le premier film où on a dit c'est le premier film de la Macédoine. Ah, peut-être. Qui a mis le feu aux poudres, d'ailleurs, hein, puisque la reconnaissance de la Macédoine aurait mené à la guerre du Kosovo. On dit beaucoup de choses. Et c'est encore qui est à l'origine, c'est encore les Allemands, donc je ne vais pas insister là-dessus. Bah pourquoi ? Parlons-en. Non, je plaisante. C'est les Allemands qui ont écouté, qui ont reconnu. Ah bon, c'était gentil. Bon. Alors donc, oui. Alors, c'est encore une valse triste ou c'est moins triste ? Je crois que c'est assez éclectique mon choix, donc ça doit être... La Petite. Ah, c'est une chanson de Elle. Ah, voilà, ça tombe bien, Elle. Avec un seul Elle. Radio Libertaire 89.4 dans le manège pour nous joindre au téléphone le 01 43 71 89 40. Chaque fois mon corps en pointillé, puis tes yeux surtout, et leur drôle de lueur, ma petite, ma douceur, je me souviens de tout. Il faisait presque nuit. Alors, c'était la chanteuse Elle, la lettre L, hein, je crois que tout le monde la connaît à peu près. Et cette chanson s'appelle Ma Petite. C'est une belle chanson d'amitié amoureuse à une jeune femme noire, immigrée clandestine ou quelque chose de cet ordre-là. Et nous sommes à Radio Libertaire. Et nous sommes dans l'émission Le Manège. Et ça continue jusqu'à 4 heures. Et vous pouvez toujours nous appeler au 01 43 71 89 40. Bien, alors nous parlons de la petite Venise, qui est un petit miracle, parce que les Italiens font énormément de films sur ce problème de l'immigration clandestine ou pas clandestine. Et il y a eu encore 2 films à Venise l'année dernière. Et ça, c'était le 3e, Io sono lì, de son vrai titre. Donc... C'est moi, Li, on dirait en français. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Alors que l'appeler la petite Venise, c'est plutôt faire appel au cadre, c'est-à-dire Ciocca, qui est ce qu'on surnomme effectivement la petite Venise, parce que c'est Venise en miniature, à l'autre bout de la lagune, et déjà sur terre ferme. Et donc, c'est là qu'on échoue. Et ce qui est très intéressant... Enfin, esthétiquement, c'est que là, il y a encore les vieux, les vrais, les anciens métiers de Venise, c'est-à-dire les pêcheurs, ouais, qui ont des cabanons sur pilotis. Et c'est une beauté particulière, un peu irréelle, et ça commence déjà avec l'île qui est à côté de Venise, qu'on joint par bac très facilement, et où on peut aller manger du poisson et où on peut aller voir le land. Donc on peut faire le tour de l'île en, je crois, une demi-heure, tellement c'est petit. Mais c'est là, côté lagune, on voit, c'est comme des cités lacustres, enfin c'est des baraques de pêcheurs sur pilotis. Et c'est une pauvre baraque comme ça qui l'a pépie, en fait. Oui, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, on va pas entretenir un mystère inutile, puisque c'est quand même pas un thriller, mais j'ai pas compris du tout pourquoi, à la fin du film, cette pauvre baraque qui voulait léguer à sa copine chinoise est incendiée. Pourquoi ? Parce que les pêcheurs qui sont là ne supportent pas que quelque chose d'aussi typiquement vénitien, d'aussi typiquement de cette région-là, puisse aller dans des mains chinoises. Ah bon ? Ils n'ont aucun problème à vendre des supermarchés aux Chinois, à faire gérer n'importe quoi par des Chinois. Des quartiers entiers à Rome sont dans des mains d'hommes d'affaires chinoises, mais là, c'est comme une levée de bouclier de tout ce qu'il y a de plus rétrograde et de plus nationaliste. Non, c'est hors de question qu'une Chinoise hérite de ce... Enfin, de... Ah oui, contamine d'une certaine manière cette cité lacustre. J'avais pas saisi, en fait. De son souffle impur. J'avais pas saisi. Et donc, oui... On ne peut que trop recommander de regarder ça pour voir jusqu'où va la connerie, la méchanceté. La jalousie. La jalousie, oui, très, très bien. C'est très bien vu. Merci. C'est un drame de la jalousie. Jalousie, comme le titre d'un célèbre film italien d'ailleurs. Ouais. Donc, dans les sorties de la semaine, as-tu vu, ou dans les sorties de la semaine d'avant, après tout, on peut parler de tous les films. Oui, alors dans la semaine d'avant, nous avions donc, et j'en ai parlé longuement, il y a Le Grand Soir, pour se marrer théoriquement. Pratiquement, je trouve que c'est le plus faible des films de Kervern et de Lépine. Mais apparemment, il y a encore beaucoup de gens qui les découvrent, donc ils trouvent ça super, et tant mieux. Je trouve qu'on rit très peu, que c'est surjoué. En revanche, Poil Vert a rarement été aussi bon. Et pareil pour Dupontel. Enfin, Dupontel, normalement, fait du Dupontel. Enfin, il fait des films lui-même, où il est cette espèce de gagman ininterrompu et qui peut être un peu fatigant, alors qu'il est très sportif et qu'il s'y met vraiment à 100%. Mais là, il a en plus un côté complètement délirant dans la folie. Là, il est un vendeur de matelas. Alors, tout ce qu'il trouve à lui faire faire avec ses matelas, c'est assez extraordinaire. Mais ça veut dire que dans ce film, qui est, bon, pour, à mon goût, qui est raté, il y a des très bons numéros. Très, très bons numéros, très bons sketchs. Et donc, en ce sens, ben pourquoi pas, si vous voulez un peu rigoler et être quand même dans la France, avec ses supermarchés. Et ces couchers de soleil qui existent quand même partout, qui sont pour tout le monde, pourquoi pas. Alors, il y avait aussi comme sortie, la semaine dernière, j'ai fait allusion très brièvement, donc cet ovni de la programmation et dans la programmation qui s'appelle « Ich bin eine Terroristin », c'est pas que je me vante de ma prononciation allemande, mais le titre est allemand. Bah oui, autant le dire en allemand sans accent. Oui, voilà, le titre est en allemand, « Ich bin eine Terroristin », c'est donc un film de Valérie Gaudissart, écrit par... elle, je crois, avec Cécile Vargaftig. Et Cécile Vargaftig est quand même une scénariste épatante, peut-être connue, pas connue par le grand public, mais en tous les cas un peu connue, et elle porte un nom prestigieux. Son père était un écrivain, d'ailleurs, anarchiste, en partie, et reconnu comme tel. Et donc... peut-être elle écrit sous son nom maintenant, depuis qu'il est mort. Avant, elle n'osait pas. Ah oui. Parce que c'était trop loin des centres d'intérêt et de l'engagement de son père, disait-elle. Enfin, moi, je ne trouvais pas, mais bon. Alors, donc, nous espérons toujours recevoir donc, Valérie Gaudissart, peut-être avec Cécile Vargaftig, ce que j'aimerais beaucoup la prochaine fois, donc mercredi prochain. Si c'est possible, parce qu'évidemment, elles font la promotion du film un peu à travers la France. Et c'est un sujet, à mon avis, qui devrait te plaire, parce qu'il y a un grand travail sur les différentes structures syndicales et historiques dedans. Mais en même temps, c'est un film, je trouve, un peu confus, où... l'histoire de la petite suffit pas et passe pas. Enfin, on voit pas très bien comment une gamine peut aller à la recherche de Rosa Luxemburg jusqu'en Pologne. Oui, effectivement. Mais c'est comme un conte de fées, non? Enfin, c'est pas, il n'y a pas de souci de vraisemblance, j'imagine. Enfin, c'est pas un film réaliste. Et donc, alors, jusqu'à la prochaine fois, je vous laisse donc... loisir de découvrir ce film, et comme ça vous aurez après coup l'opinion de la réalisatrice Valérie Gaudissart et quelques aspects donc de cette écriture d'un scénario qui pour le moins à l'opposé de tout ce qu'on écrit et qu'on produit en ce moment, parce qu'on part de l'idée que il faut retrouver les traces de Rosa Luxemburg, il faut retrouver une espèce d'esprit de révolutionnaire, d'une vraie combattante. Oui, de militante, quoi. Oui. Oui, on en aurait besoin. Et c'est un peu comme si une gamine de 10 ans partait retrouver les traces de Louise Michel et arrivait jusqu'aux îles du diable, etc., etc. Et en Algérie, etc., etc. Donc c'est à la fois bon, un voyage imaginaire extraordinaire et un voyage dans le réel, parce qu'ils vont réellement en Pologne. Enfin, ils ont construit une coproduction entre la Pologne, l'Allemagne et la France. Enfin, ils auraient dû adjoindre la Suisse, comme ça ils auraient eu plus d'argent, parce qu'elle était aussi à Zurich. Ah ouais. Comme beaucoup de révolutionnaires, elle est passée par Zurich, Rosa Luxemburg. Donc, je trouve que l'histoire est un peu... voilà. Bon, on en parle la prochaine fois, vraiment, puisque on nous a proposé de les recevoir la prochaine fois. Aujourd'hui, c'était impossible. Et donc, j'annonce, je suis une terroriste parce que c'est ce qu'on trouve sur un pan du mur. Tu te rappelles de toutes ces images sur le mur au moment de la démolition à Berlin. Donc, il y avait comme des stèles qui restaient. Et c'est l'inscription qu'ils ont trouvée sur un des stèles à Berlin qui s'appelle donc « Ich bin eine terroriste ». Donc, je suis une terroriste. Et juste à côté, il y avait l'image de cette belle tête de Rosa Luxemburg. Et donc, tout est parti, peut-être pas de là, mais... Mais donc la gamine va à Berlin, et elle va en Pologne, d'où elle se fait renvoyer d'ailleurs, vite fait. Et c'est vrai que c'est une trajectoire européenne avant l'heure qui est quand même très passionnante. Et qu'on oublie parfois qu'à l'époque, bon, Lénine aussi, il était à Zurich, les gens ont beaucoup plus été éparpillés en Europe. Karl Marx en Angleterre, etc., etc. Et Flora Tristan, dont plus personne ne parle, qui est, bon, à mon avis, quand même une femme qui est à la hauteur d'un Engels ou d'un Marx, au moins. Elle n'a pas écrit Le Capital, quand même. Sur la question des femmes, en tous les cas. Parce que c'est elle qui a dit que même l'homme le plus pauvre avait encore... Un prolétaire sous ses ordres, c'était sa femme. Oui, encore un peu pauvre sous ses ordres, et c'était sa femme. C'est elle qui a dit ça, c'est pas Engels. Mais c'est contemporain. Bien, alors... Donc peut-être encore une musique ou... Oui, je crois que là, il faut une musique. Oui. Après, on rappellera peut-être les films qu'on a aimés et qui passent encore, même s'ils sont un peu plus anciens. Voilà, c'est ça. Comme Aung San Suu, etc., etc. Donc on va écouter une musique dont j'ai bien évidemment oublié le titre. Radio Libertaire 89.4 dans le manège, nous allons écouter El Pueblo Unido. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás de pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirá canción de libertad con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Cantar, el pueblo va a triunfar, millones. Radio Libertaire 89.4 dans le manège. Nous venons d'écouter donc, vous l'avez reconnu, El Pueblo Unido. Et pour nous joindre pendant les pauses musicales, vous composez le 01 43 71 89 40. Bien, alors, j'avais attiré votre attention sur cet événement majeur qui est l'exposition de Gerhard Richter au Centre Pompidou ou à Beaubourg, c'est comme vous voulez. Et c'est accompagné très astucieusement par un excellent documentaire qui s'appelle Gerhard Richter Painting, donc Gerhard Richter en train de peindre. Et c'est réalisé par Corinna Beltz. Et c'est Gerhard Richter qui n'aime pas des interviews, qui n'aime pas parler, qui n'aime pas trop parler de sa peinture et de son évolution, parce que c'est un des grands peintres du siècle, et il a accompagné, disons, un peu comme Picasso à ses débuts, qui a accompagné vraiment tous les styles et qui a inventé chaque grande rupture dans la peinture à l'époque. Enfin, c'est lui qui crée les prémices, et etc., etc., etc. Donc Gerhard Richter est quelqu'un qui est rapproché aussi des grands penseurs à une certaine époque, qui avaient des talents encyclopédiques. Moi, je trouve que la pensée avec... Enfin, la comparaison avec Goethe, c'est peut-être un peu exagéré, mais Goethe, écrivain qui se penche sur l'étude des couleurs, qui écrit Faust, qui écrit en même temps Wilhelm Meister, donc qui oppose finalement l'esprit qui cherche et qui est sceptique déjà à un esprit nietzschéen, à l'esprit dionysiaque d'un autre personnage, ou à la maîtrise de soi à partir d'un apprentissage de la vie et de ce que les hommes savent faire dans tous les secteurs. Comme Wilhelm Meister, c'est à la fois de Flaubert, l'éducation sentimentale. Après, c'est Madame Bovary, c'est les ouvrages de la maturité. C'est tout ça dans un seul livre, enfin, parce que c'est à la fois quelqu'un qui voyage, qui cherche, et quelqu'un qui arrive à une certaine sagesse, et quelqu'un qui a, comme dit Faust, « Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust ». Tu peux nous dire... Je frime à fond la caisse, là. Non, mais tu peux. Ça veut dire deux âmes habitent, deux âmes habitent, hélas, notre sein. « Zwei Seelen wohnen, ach, in unserer Brust ». Ah, c'est beaucoup plus beau en allemand. Hein. Et ces deux Seelen, ces deux âmes, c'est d'ailleurs sur quoi s'ouvre le Faust qui va sortir mercredi prochain. De Sokurov. Qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Et c'est inégalé dans la recherche de tout, enfin des couleurs, du raffinement. Là, tu parles de Faust ou tu parles... Je parle de Faust et je parle aussi de Gerhard Richter, qui semble au premier aspect un peu sobre, un peu neutre, un peu dépourvu de vie. Et si on traverse toute l'exposition, on ne peut que se prendre de passion pour cette évolution, ces tentatives. Il sait aussi bien faire comme la copie d'un fan-mer, comme la copie d'une photo. Mais ce n'est pas des copies de photos, c'est lui qui peint aussi bien qu'une photo. Ah, je crois que c'était un peintre abstrait. Il est aussi un peintre abstrait, justement. Il est à la fois peintre abstrait et quelqu'un qui est plus que hyper réaliste, puisqu'il peut peindre une bougie comme sans les... avant la 3D, on était complètement fascinés par les modèles les hologrammes, mm-hmm. où... tu peux peindre le contour et tu peux peindre la flamme qui brûle et qui bouge dans le vent et tu peux peindre en même temps le... Mais c'est dans la photo et c'est dans le... Dans la construction de la photo par des miroirs reflétant. Donc cette histoire était fascinante, mais elle n'a jamais trouvé ses retombées finalement. Et alors lui, il fixe tout ça dans une toile. Tu as vraiment tout ça. Et c'est pas un hologramme, c'est vraiment une toile peinte à la main. Mmh. Et quelqu'un qui recouvre ces toiles un peu comme l'a montré Rivette dans La Belle Noiseuse. Mmh. C'est une toile jamais terminée. Et s'il n'est pas content, alors que c'est une toile resplendissante, il la recouvre entièrement et il fait autre chose. Et donc, c'est un type qui cherche toujours. Donc, un esprit toujours en éveil, qui est marqué par l'histoire, qui est marqué par l'histoire de l'Allemagne. Donc je ne vais pas en rajouter, tout le monde en connaît un bout et on a plus que marre d'entendre parler. C'est et... vrai, je confirme. Hein, tu confirmes. Et donc je n'ai pas à faire vulgarisation sur quelque chose qui est à traverser ou à ignorer ou à étudier. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tous les cas ça fait partie de l'histoire des événements les plus sinistres de... des 100 dernières années, etc. etc. Donc, Gerhard Richter Painting est un film sur ce peintre Gerhard Richter qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, si vous pouvez aller le voir au Centre Pompidou, ceux qui sont abonnés au Centre ne payent pas un centime. Allez-y, entre midi et 2h, il n'y aura pas un chat. Ah, c'est au Centre Pompidou. Oui, c'est à Beaubourg. Oui. Donc, c'est vraiment, ça vaut le coup. Moi, je trouve que c'est même plus intéressant que Matisse. Parce que là, je suis retournée voir par la même occasion. Donc, Matisse. Parce que Matisse en connaît, enfin, on croit connaître. C'est toujours un plaisir de voir ça. Mais il y a c'est une œuvre cohérente, fermée en elle-même, avec des irruptions de splendeur incontestées et incontestables et éternelles. Alors que Gerhard Richter, on voit comment il y a là quelqu'un en évolution. Et ça continue. Et il n'est pas prêt de s'arrêter alors qu'il a 80 ans. Et là, vous pouvez voir le film au MK de Beaubourg et au Reflet Médicis. MK de Beaubourg, c'est-à-dire vous traversez la place et vous allez voir où vous faites l'inverse. Parfois, je trouve qu'un film bien fait peut être la meilleure des introductions à l'œuvre d'un artiste. Ouais. Surtout que, bon, comme tu disais, je croyais que c'était un peintre abstrait. Non, je le connaissais comme un peintre abstrait, mais je ne connaissais pas ce cheminement. On ne sait pas comment entrer dans cette œuvre. Et je trouve que c'est pas mauvais de commencer par le film. Hein. Et le film sur Louise Bourgeois, pour appuyer sur ce que tu disais, qui effectivement, moi, j'étais assez imperméable aux installations, particulièrement de Louise Bourgeois, mais après avoir vu ce film, j'ai eu une autre approche de l'arbre, la mandarine, l'araignée et la mandarine. Je me souviens plus. Bravo, oui. C'était quelque chose comme ça. C'était un très beau film et c'est une très grande artiste. Et maintenant, j'ai eu plus de plaisir à voir ce qu'elle fait. Donc, tu as raison. Moi, c'est exactement pareil parce que à Beaubourg, il n'y avait que ces sculptures qui sont grosses. Bon, des araignées d'une taille monstrueuse. Oui, mais quand on connaît sa démarche, c'est pas évident, alors que c'est une petite femme pétillante, drôle, mordante, percutante. Donc, d'ailleurs, le film est toujours à l'affiche. Hein. Ah oui. Vous cherchez un peu, vous le trouvez encore dans les films. En fait, je confondais l'arbre, le maire et la médiathèque et la mandarine, l'araignée, je ne sais plus. Oui. J'aimerais bien qu'on dise juste qu'elle est encore en salle et pas pour longtemps. Today's in New York. Non, c'est pas du tout ça, excuse-moi. C'est le film d'Aung San Suu qui s'appelle Matin calme à Séoul ou The Day He Arrives, selon qu'on le dit en français ou en anglais. Et qui est un bijou, quoi. Oui. C'est un bijou, je ne vous dis que ça. Un professeur arrive à Séoul après plusieurs années, peut-être pas d'exil, mais d'absence. Il rencontre la femme qu'il a aimée. Et puis, comme toujours, les héros de Aung San Suu sont à la recherche d'eux-mêmes et sans vraiment une intention de se trouver, apparemment. C'est en noir et blanc, Parce qu'il fait pas toujours des films en noir et blanc, sans sous. Donc c'est un beau film, ça dure pas très longtemps, ça nous met dans une espèce d'état de, je dirais pas sidération, parce qu'il y a quelque chose de violent dans le moule, mais d'égarement, moi ça m'a plongé dans un état d'égarement et d'attendrissement absolu. Je saurais pas dire pourquoi, mais si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, eh ben vous pouvez toujours nous le dire. Oui, c'est vrai que vos coups de fil nous manquent là un peu. Hein. Ouais, j'avoue que je sais pas où vous êtes passé. Ça faiblit, alors on ne sait pas pourquoi. Pourtant, on est toujours aussi bonne. Ah bah ouais, surtout bah, toi. Oui. Mais vous non, pourriez, mais peut-être toi, les gens sont au cinéma, je pense. Hein. Ouais. Pourtant, il fait tellement mauvais que vous devriez être au cinéma toute la journée. Vous devriez être au cinéma avec la radio dans les oreilles. Ouais. Voilà ce que vous devriez absolument, faire, ouais. Bonnes gens. Alors aujourd'hui sort aussi un film que je n'ai pas vu, qui était à Cannes et qui a raflé le prix d'Un certain regard. Et ça, c'est vraiment donc une petite garantie que le film est sûrement remarquable, parce que le jury s'était présidé par Tim Roth, donc que je vénère personnellement, que vous avez pu voir dans cette série « Lie to Me ». Moi. Et que vous avez vu dans Little Odessa il y a quelques années. Little Odessa, c'était de James Gray, avec lequel tout le monde l'a connu. Et donc, Diaz de Gracia est sûrement un très bon film. Il vient du Mexique. Et il est sorti aujourd'hui. Alors j'espère que je l'aurai enfin vu et récupéré pour mercredi prochain. À ce moment-là, je vous en parlerai plus longuement. Je peux juste dire que il a eu ce prix à l'unanimité, donc dans une section où il y avait des films remarquables, ça veut dire quelque chose, hein, que Diaz de Gracia a eu tous ces films. Et puis on peut parler, enfin moi qu'il y a un autre film à signaler dans les sorties, moi j'ai pas vu de film pratiquement à part La Petite Venise. J'avais envie de voir El Campo, un film d'horreur qui n'en est pas un, qui est une coproduction italo-franco-argentine. Tu avais parlé des 80 jours aussi. J'ai parlé des 80 jours. Oui. Oh. Alors, ceci dit, je voulais aussi signaler, parce qu'il y a toujours des rééditions toutes les semaines. Bon, il y a des semaines où on passe, parce que c'est des films archi connus, archi chroniqués, et etc. Mais là, il y a Mélodie pour un tueur, qui est une version restaurée, encore une fois, par Carlotta, que nous aimait énormément. Et c'est Harvey Keitel jeune. Et c'est le titre original, c'est Fingers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le film, un des films d'Audiard, était basé sur Fingers, sur cette version-là, Mélodie pour un tueur. Et donc, ça, je vous recommande la réédition de Mélodie pour un tueur. Édité par Carlotta, donc vous pouvez le voir là au cinéma ou au Grand Latina. Et après, il sera sûrement disponible en DVD. Et je pense assez vite même en DVD. Alors, les rééditions pour continuer dans ma série, il y a Violence et Passion. Ah oui, qui ressort en salle aujourd'hui, oui, c'est ça. Et ça, le titre original, Gruppo di Famiglia e non eterno, est beaucoup plus juste, mais Violence et Passion est beaucoup plus romanesque. Oui, romanesque, et fait allusion effectivement à cette passion qui anime un Burt Lancaster âgé pour Helmut Berger, parce qu'il est d'origine autrichienne, mais je ne sais pas comment vous le prononcez. Il est Helmut Berger, c'est celui qui joue Louis II de Bavière. Oui, il a joué dans plusieurs dans films de Visconti. Le Crépuscule des Dieux, qui est pratiquement présent dans tous les films de Visconti à partir de ce moment-là, quand il n'y a plus notre bellâtre national, comment il s'appelle ? Alain Delon. Quand il n'y a plus Alain Delon, c'est Helmut Berger qui le remplace et qui va occuper donc ses derniers films de Visconti. Visconti est déjà très malade et très âgé quand il tourne ça. Et c'est un des films les plus bouleversants que vous pouvez imaginer, parce que Burt Lancaster se prend d'amitié, d'amour et de passion pour Helmut Berger, qui est son voisin, dans un immeuble, enfin un immeuble comme, je pense, le seul d'Italie à ce genre d'immeuble ancien, avec des lustres partout, avec... Mais c'est un peu délabré déjà, enfin, c'est plus du tout ce genre d'immeuble qu'on habite ou on vit. Hein. Et c'est un film qui a un rayonnement, une fascination, qui exerce une fascination très, très particulière. Donc on peut être sensible à ça ou pas du tout, mais quand vous y êtes, si vous y êtes sensible, si vous avez plaisir à voir Burt Lancaster, et c'est vraiment le rôle où il est tellement bouleversant que on trouve pas les mots pour dire comme il est contagieux, comme sa passion est contagieuse, sa passion désespérée est contagieuse. C'est et nous rappelle comment dire les amours impossibles que chacune a vécu. C'est vraiment un film unique. Et vous pouvez voir ce film à la Filmothèque au Quartier Latin. Oui, au Quartier Latin. Vous pouvez le voir en DVD aussi. Qui se double effectivement d'une filmothèque où ces chefs-d'œuvre du cinéma mondial repassent vraiment régulièrement. Peut-être une petite musique avant de conclure et de faire un résumé oui, de ce qui... Oui. Ce qui est important, c'est qu'il faut voir, oui. Radio Libertaire 89.4, dans l'émission Le Manège. Nous allons écouter, Dominique, j'ai besoin de toi, Punjabi, c'est ça ? Punjabi MC. ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਮੀਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ Bien, Radio Libertaire 89-40, c'est le manège. Et le manège a bien tourné et il va bientôt s'arrêter. Donc on va juste rappeler ce dont nous avons parlé. J'ai oublié peut-être de vous rappeler que cette édition de Capricci est très très très passionnante. J'en avais parlé la dernière fois. Et donc c'est un volume qui s'appelle Capricci 2012. Vous avez à la fois du compte-rendu et des entretiens avec Wang Bin comme avec le Harder. JPG que j'apprécie beaucoup. Non, dont tu as apprécié. Enfin, en tant que Harder, j'ai pas pu apprécier ses performances. Non, mais son film, apprécié aussi le film sur lui que tu as aimé. Oui, voilà. S'appelle Il n'y a pas de rapport sexuel, qui est toujours visible au MK2 Beaubourg à 11h. C'est bien que ce film soit encore à l'affiche, c'est très intéressant de le voir. Et donc, nous avons parlé aujourd'hui des meilleurs films à voir, sortis récentes ou aujourd'hui. Donc, je rappelle Gerhard Richter Painting en relation avec la grande exposition qui lui est consacrée au Centre Pompidou. Je rappelle Le Grand Soir, qui est un caverne des Lépines. Donc, qui a effectivement des bons côtés. Et surtout dans le casting, je trouve que c'est un casting extraordinaire. Brigitte Fontaine qui pèle des patates. Areski Belkacem qui théoriquement préside à la pataterie. Poilver, de qui est le punk de chien, le premier et le dernier punk de chien gentil du monde, sûrement. Et Albert Dupontel, largué en tant que... vendeur de matelas, et les deux têtes ensemble, ça fait Not Dead gravé sur leur front. Mais il faut que ce soit assorti de la bonne façon, parce que si c'est Dead Not, c'est décidément moins bien. Bon, donc, alors, nous avons peut-être la réalisatrice et la scénariste de Ich bin eine Terroristin, en allemand dans le texte, de Valérie Gaudissart. Et nous avons parlé, donc, pour les films d'aujourd'hui, de Journal Venise. De France, La Petite Venise. Et il faut peut-être dire trois fois La Petite Venise et une fois Journal de France, parce qu'il est défendu partout, alors que La Petite Venise... je n'ai pas entendu grand-chose qu'a dit du bien sur ce film qui s'appelle en fait Io sono lì, parce que c'est une petite chinoise qui arrive donc dans la petite Venise, à savoir la ville Chioca, qui est la première ville sur terre ferme quand vous partiez de Venise. Alors c'est un film avec Cao Tao, qui est la grande star du film de Chi Chang-ke, et avec Rad Sherbetjia, qui est connu par d'autres films et qui joue là le vieux pêcheur qui s'éprend de Zhao Tao, et dans l'amitié des deux est visiblement subversive et en même temps pas du tout tolérée par la communauté installée, que ce soit les Italiens ou que ce soit cette communauté chinoise qui a atterri là, pour ne pas dire échoué là. Bien, alors nous arrivons donc au bout de cette émission et je vous recommande d'aller vérifier, nous dire ce qu'on a avancé ici pour réaliser que vraiment le cinéma peut être pas seulement une parenthèse enchantée, mais un réel levier pour beaucoup de choses que vous ne soupçonnez pas. Bien. Merci de ces paroles d'une haute portée philosophique, oui, sociale, ça. Il faut ça. Et politique. Bien. Alors, et donc, merci à Anne. Merci à Anne. Qui assure fidèlement la merci à Anne. Technique. Et puis, un mercredi prochain. Inch'Allah. Si vous voulez bien. Je réalise.